Chapitre 9e. La domination et l'intelligence de la femme. Chaque âge humain, chaque siècle apparaît à la postérité, dominé, comme la vie des individus, par un caractère, par une loi intime, supérieure, unique et rigoureuse, dérivant des mœurs, commandant aux faits, et d'où il semble à distance que l'histoire découle. L'étude, à première vue, discerne dans le XVIIIe siècle ce caractère général, constant, essentiel, cette loi suprême d'une société qui en est le couronnement, la physionomie et le secret, l'âme de ce temps, le centre de ce monde, le point d'où tout rayonne, le sommet d'où tout descend, l'image sur laquelle tout se modèle, c'est la femme. La femme, au XVIIIe siècle, est le principe qui gouverne, la raison qui dirige, la voix qui commande. Elle est la cause universelle et fatale, l'origine des événements, la source des choses. Elle préside au temps, comme la fortune de son histoire. Rien ne lui échappe, et elle tient tout, le roi et la France, la volonté du souverain et l'autorité de l'opinion. Elle ordonne à la cour, elle est maîtresse au foyer. Les révolutions des alliances et des systèmes, la paix, la guerre, les lettres, les arts, les modes du XVIIIe siècle aussi bien que ses destinées, elle les porte dans sa robe. Elle les plie à son caprice ou à ses passions. Elle fait les abaissements et les élévations. Elle a, pour bâtir les grandeurs et pour les effacer, la main de la faveur et les foudres de la disgrâce. Point de catastrophe, point de scandale, point de grands coups qui ne viennent d'elle dans ce siècle qu'elle remplit de prodiges, d'étonnements et d'aventures, dans cette histoire où elle met les surprises du roman. Depuis l'exaltation de Dubois à l'archevêché de Cambrai jusqu'au renvoi de Choiseul, il y a derrière tout ce qui monte et tout ce qui tombe une Fillon ou une Dubarry, une femme et toujours une femme. D'un bout à l'autre du siècle, le gouvernement de la femme est le seul gouvernement visible et sensible, ayant la suite et le ressort, la réalité et l'activité du pouvoir, sans défaillance, sans apathie, sans interrègne. C'est le gouvernement de Madame de Prie, c'est le gouvernement de Madame de Mailly, c'est le gouvernement de Madame de Châteauroux, c'est le gouvernement de Madame de Pompadour, c'est le gouvernement de Madame du Barry. Et plus tard, l'amitié succédant aux maîtresses, ne verra-t-on point le règne de Madame de Polignac. L'imagination de la femme est assise à la table du conseil. La femme dicte, selon la fantaisie de ses goûts, de ses sympathies, de ses antipathies, la politique intérieure et la politique extérieure. Elle donne ses instructions aux ministres, elle inspire ses ambassadeurs, elle impose ses idées, ses désirs à la diplomatie, son ton, sa langue même, et le sans-façon de ses petites grâces, à la langue diplomatique qui ramasse sous elle, dans les dépêches de Bernice, des mots de ruelle et des familiarités de Cayette. Elle ne manie pas seulement les intérêts de la France, elle dispose de son sang, et ne voulant absolument rien laisser à l'action même de l'homme qu'elle n'ait dessiné et conduit, marqué de l'empreinte de son génie, signé sur un coin de toilette de la signature de son sexe, elle commande jusqu'aux défaites de l'armée française avec ses plans de bataille envoyés aux quartiers généraux, ces plans où les positions sont figurées par des mouches. La femme touche à tout, elle est partout, elle est la lumière, elle aussi l'ombre de ce temps, dont les grands mystères historiques cachent toujours, dans leur dernier fond, une passion de femme, un amour, une haine, une lutte pareille à cette jalousie de Madame de Prie et de Madame de Pléneuf qui cause la chute de Leblanc. Cette domination des femmes, qui monte jusqu'au roi, est répandue tout autour de lui. La famille, où l'amour met auprès du ministre une femme qui s'empare de lui et le possède, le cardinal de Tencin obéit à Madame de Tencin, Madame d'Estrade dispose du comte d'Argenson, le duc de Choiseul est mené par la duchesse de Gramont, sans laquelle, peut-être, il aurait accepté la paix que lui offrait la du Barry. Madame de Langeac a voix délibérative sur les lettres de cachet que Terray lance, Mademoiselle Renard sur les promotions d'officiers généraux que M. de Montbarret fait signer au roi, Mademoiselle Guimard sur les bénéfices ecclésiastiques que Jarente distribue. Des ministres, la domination de la femme descend au bureau des ministères. Elle enveloppe toute l'administration du réseau de ses 1000 influences. Elle s'étend sur tous les emplois, sur toutes les charges qui s'arrachent à Versailles. Par l'empressement des démarches, par l'étendue des relations, par l'adresse, la passion, l'opiniâtreté des sollicitations, la femme arrive à remplir de ses créatures les services de l'État. Elle parvient à devenir la maîtresse presque souveraine de la carrière de l'homme, une espèce de pouvoir secret qui dispense à chacun l'avancement selon ses mérites d'agrément. Qu'on écoute un témoin du temps sur l'universalité et la force de sa puissance. Il n'y a personne, dit Montesquieu, qui ait quelque emploi à la cour, dans Paris ou dans les provinces, qui n'ait une femme par les mains desquelles passent toutes les grâces et quelquefois les injustices qu'il peut faire. Ces femmes ont toutes des relations les unes avec les autres et forment une espèce de république dont les membres toujours actifs se secourent et se servent mutuellement. C'est comme un nouvel État dans l'État, et celui qui est à la cour, à Paris, dans les provinces, qui voit agir des ministres, des magistrats, des prélats, s'il ne connaît les femmes qui les gouvernent, est comme un homme qui voit bien une machine qui joue, mais qui n'en connaît point les ressorts. Régnant dans l'État, la femme est maîtresse au foyer. Le pouvoir du mari lui est soumis comme le pouvoir du roi, comme le pouvoir et le crédit des ministres. Sa volonté décide et l'emporte dans les affaires domestiques comme dans les affaires publiques. La famille relève d'elle. L'intérieur semble être son bien et son royaume. La maison lui obéit et reçoit ses ordres. Des formules, inconnues jusqu'alors, lui attribuent une sorte de propriété des gens et des choses de la communauté dont le mari est exclu. Dans la langue du temps, ce n'est plus au nom du mari, c'est au nom de la femme que tout est rapporté. C'est au nom de la femme que se fait tout le service. On va voir madame, faire la partie de madame, dîner avec madame, on sert le dîner de madame, expression nouvelle, dont la lettre suffit pour donner l'idée de la décroissance de l'autorité du mari, du progrès de l'autorité de la femme. Cette influence, cette domination sans exemple, cette souveraineté de droit presque divin, à quoi faut-il l'attribuer? Où en est la clé et l'explication? La femme du XVIIIe siècle dut-elle seulement sa puissance aux qualités propres de son sexe, aux charmes de sa nature, aux séductions habituelles de son être? La dut-elle absolument à son temps, à la mode humaine, à ce règne du plaisir qui lui apporta le pouvoir dans un baiser et la fit commander à tout, en commandant à l'amour? Sans doute, la femme tira de ses grâces de tous les temps, du milieu et des dispositions particulières de son siècle, une force et une facilité naturelle d'autorité. Mais sa royauté vint avant tout de son intelligence, et d'un niveau général si singulièrement supérieur chez la femme d'alors, qu'il n'a d'égal que l'ambition et l'étendue de son gouvernement. Que l'on s'arrête un moment au portrait du temps, aux peintures, aux pastels de la tour. L'intelligence est là, dans ses têtes de femme, sur ses visages, vivante. Le front médite. L'ombre d'une lecture ou la caresse d'une réflexion y passe, en l'effleurant. L'œil vous suit du regard comme il vous suivrait de la pensée. La bouche est fine, la lèvre mince. Il y a dans toutes ces physionomies la résolution et l'éclair d'une idée virile, une profondeur dans la mutinerie même, je ne sais quoi de pensant et de perçant, ce mélange de l'homme et de la femme d'État, dont vous retrouverez les traits jusque sur la figure d'une comédienne, de la Sylvia. À étudier ces visages, qui deviennent sérieux à mesure qu'on les regarde, un caractère net et décidé se montre sous la grâce, la pénétration, le sang-froid et l'énergie spirituelle, les puissances et les résistances de volonté de la femme que ces portraits ne voilent qu'à demi apparaissent. L'expérience de la vie, la science de toutes ses leçons, se font jour sous l'air enjoué, et le sourire sans lettres sur les lèvres comme la finesse du bon sens et la menace de l'esprit. Quittez les portraits, ouvrez l'histoire. Le génie de la femme du XVIIIe siècle ne démentira pas cette physionomie. Vous le verrez s'approprier au plus grand rôle, s'élargir, grandir, devenir, par l'application, l'étude, la volonté, assez mal, ou du moins assez sérieux pour expliquer, légitimer presque ses plus étonnantes et ses plus scandaleuses usurpations. Il s'élèvera au maniement des intérêts et des événements les plus graves, il touchera aux questions ministérielles, il s'interposera dans les querelles des grands corps de l'État, dans les troubles du royaume. Il prendra la responsabilité et la volonté du roi. Il montera sur les hauteurs. Il descendra au détail de cet art redoutable et compliqué du gouvernement, sans que l'ennui l'arrête, sans que le vertige le trouble, sans que les forces lui manquent. La femme mettra ses passions dans la politique, mais elle y mettra aussi des talents sans exemple et tout inattendus. Son esprit montrera, comme son visage, certains traits de l'homme d'État. Et l'on s'étonnera de voir par instant la maîtresse du roi faire si dignement le personnage de son premier ministre. Le succès, il est vrai, a manqué au projet conçu ou accueilli par ces femmes qui, en gouvernant la volonté royale, ont gouverné les destins de la monarchie. Leurs plans, leurs innovations, les systèmes de leurs conseillers, Poursuivis par elle avec la constance de l'entêtement, leurs illusions opiniâtres ont abouti à des revers, à des défaites, à des malheurs. Mais les hommes politiques qui ont laissé un nom dans le XVIIIe siècle ont-ils été plus heureux que les femmes politiques? Qui a réussi parmi eux? Qui a commandé aux événements? Qui a fait l'œuvre qu'ils voulaient? Qui, parmi les plus fameux, n'a pas laissé derrière lui un héritage de ruines? Est-ce Choiseul? Est-ce Necker? Est-ce Mirabeau? Pour avoir eu contre elle la force qui en politique condamne et ne juge pas, la fortune, la femme du XVIIIe siècle n'en a pas moins déployé de remarquables aptitudes, de singuliers talents, d'étonnantes capacités sur le théâtre des plus grandes affaires. Elle y a apporté une grandeur supérieure aux instincts de son sexe, et l'on ne peut nier qu'elle ait possédé ce qui est le cœur du politique, ce qui fait l'élévation morale de l'ambition, l'amour de la gloire, et sinon le respect, au moins la préoccupation de la postérité. Elle y a apporté avant tout, elle y a fait paraître les deux qualités qui sont devenues, depuis elle, les deux forces des gouvernements modernes, le secret et l'art de régner, la séduction des hommes et l'éloquence. Ces dons, la séduction, l'éloquence, un ministre du temps les y a-t-il poussés plus loin que cette femme qui personnifie au XVIIIe siècle la femme d'État, que Madame de Pompadour? Un précieux témoignage va nous donner la mesure de son adresse politique, le ton de sa grâce insinuante, l'accent de sa voix, de cette voix de femme et de ministre qui se plie à tout et monte à tout, s'assouplit jusqu'à la caresse, se raidit jusqu'au commandement, répond, discute et couvre tout à coup le raisonnement de son adversaire avec la réplique inspirée d'un grand orateur. Ce témoignage est le récit dialogué qu'un de ses ennemis, un parlementaire, le président de Mesnières, a laissé des deux entrevues qu'il eut avec elle au sujet des affaires du Parlement. Qu'on le lise, on sortira de cette lecture comme M. de Mesnières sort de l'antichambre où la favorite lui a parlé, avec l'étonnement et l'admiration. Tout d'abord, quelle attitude qui impose le respect, quel regard tombe en de haut, puis quels yeux appuyés sur les yeux de l'homme qui lui parle. Le parlementaire, habitué pourtant à parler, rompu à l'assurance, cherche ses mots. Sa voix tremble. Madame de Pompadour n'a pas une hésitation, elle dit ce qu'elle veut et ne dit que ce qu'elle veut. Elle laisse engager M. de Mesnières, elle l'encourage en le complimentant, elle l'arrête en lui opposant les dispositions du roi dont elle affirme avec une expression souveraine l'autorité royale. Quels retours habiles lorsque dans cet homme, qui est le Parlement et avec lequel elle veut traiter, elle cherche le cœur du père qui a son fils à placer et qu'on peut par la plier aux accommodements, décidé peut-être à abandonner les engagements de son corps, à écrire au roi une lettre particulière de soumission. Aux objections de Mesnières, comme tout de suite, après un mot de bienveillance, elle se relève, ramasse le mot « honneur » que lui oppose le parlementaire, s'étend en termes superbes sur l'honneur qu'il y a à faire ce que le roi désire, ce qu'il ordonne, ce qu'il veut. Puis, lancée, entraînée, s'abandonnant à ses idées et trouvant toujours le mot juste, elle jugeait toute la conduite du Parlement, toute l'affaire des démissions, avec une parole courante, passant de la plus haute ironie aux plus heureux mouvements d'interpellation, aux questions pressantes, aux exclamations échappées de l'âme. Et la discussion reprenant, Madame de Pompadour faisait encore intervenir le roi. Elle le faisait, pour ainsi dire, apparaître en le dégageant de ses ministres, en lui attribuant une volonté personnelle. Et c'était le droit de Louis XV, son pouvoir, qui semblait parler dans sa voix. C'était, dans sa bouche, la colère d'un roi qui se retourne contre une révolte, lorsqu'elle demandait à Mesnières « Mais je vous demande un peu, messieurs du Parlement, qui êtes-vous donc pour résister comme vous faites aux volontés de votre maître ?» Et la voilà, lui exposant la position du Parlement de 1673 à 1715, se rappelant les dates, l'ordonnance de 1667, le lit de justice de 1673, n'oubliant rien, ne brouillant rien, toujours clair, rapide, vive, accablant le parlementaire qui sort de l'entrevue, troublé, déconcerté, extasié, poursuivi par la tentation et la majesté de cette parole de femme. Avant Madame de Pompadour, sur une scène moins brillante, au second plan des événements, derrière les courtisans et les maîtresses, le XVIIIe siècle n'avait-il point déjà montré une femme d'une activité prodigieuse, d'un esprit souple et hardi, d'une imagination fertile en toutes sortes de ressources, alliant le sang-froid à la vivacité, joignant à l'invention des expédients la vue d'ensemble d'une situation, possédant à la fois la largeur des conceptions et la science des moyens, mesurant les hommes, éclairant les choses, menant de l'ombre où elle s'agite et travaille, du fond des mines qu'elle pousse de tous côtés sous la cour, la faveur des hommes et la faveur des femmes. Je veux parler de cette petite femme nerveuse et frêle, la mine d'oiseau, Madame de Tencin, ce grand ministre de l'intrigue, qui un moment enveloppe tout Versailles et tient le roi par les deux côtés, par le caprice et par l'habitude, par Richelieu et par Madame de Châteauroux. Mais aussi que de menées secrètes, que de mouvements auxquels suffisent à peine le jour et la nuit de cette femme employée, agitée, et s'avançant parce qu'elle appelle tous les souterrains possibles. Ce n'est point comme une Madame de Pompadour, une comédienne sublime et jalouse d'éblouir. C'est une ambitieuse enragée, adroite, infatigable, conduisant sourdement et à couvert la guerre contre les ministres, et contre tout ce qui est à la cour un empêchement à la fortune de son frère. Et voyez-la marquer les positions sur la carte de la cour, percer les apparences, sonder les capacités, peser les réputations, les popularités, les ministres enflés et gonflés de 100 pieds au-dessous de leur place. Le génie des Belles-Îles, le talent des Noailles, elle ramène tout au juste point. Elle conseille, elle avertit, elle dessine l'attaque, elle devine la défense avec une sagacité toujours nette, une lucidité à laquelle rien n'échappe et qui saisit tout dans sa source. C'est cette femme, c'est Madame de Tencin, qui la première apprécie toute la vie, que retire un gouvernement à l'apathie de son chef, cet embarras que met dans tous les rouages de l'administration l'indifférence du prince, cette léthargie qui du trône se répand dans toute la monarchie. C'est elle qui souffle son rôle à Madame de Châteauroux et lui inspire la grande pensée de son règne, en lui faisant passer l'idée d'envoyer son amant à la guerre. C'est elle qui, par les mains de la maîtresse, pousse Louis XV à l'armée et lui envoie prendre en Flandre cette robe virile d'un roi de France, la gloire. Et là-dessus, quelle parole est là? Quel jugement pratique et qui dépouille l'illusion pour toucher la vérité? Ce n'est pas qu'entre nous, dit-elle de Louis XV, il soit en état de commander une compagnie de grenadiers, mais sa présence fera beaucoup. Les troupes feront mieux leur devoir, et les généraux n'oseront pas manquer si ouvertement aux leurs. Dans le fait, cette idée me paraît belle, et c'est le seul moyen de continuer la guerre avec moi de désavantage. Un roi, quel qu'il soit, est pour les soldats et le peuple ce qu'était l'arche d'alliance pour les Hébreux. Sa présence seule annonce des succès. Éloquence, intelligence, discernement du nœud des questions, éclair du raisonnement, puissance de la déduction, imagination des solutions, habileté stratégique, science des marches et des contre-marches sur le terrain mobile de la cour, où le pied glisse et ne peut poser, toutes ces qualités, tous ces dons obéissent chez ces femmes à une force supérieure qui règle leur emploi, les régit, leur commande, leur donne le mot d'ordre et le point d'appui. Cette faculté morale est véritablement supérieure, qui dépasse même, chez les mieux doués, les facultés spirituelles, et la pénétration des caractères et des tempéraments, la perception des ambitions, des intérêts, des passions, du secret des âmes, en un mot, cette intuition native que développe l'usage, l'expérience, la nécessité, la connaissance des hommes. La connaissance des hommes, voilà la science véritablement propre à la femme du XVIIIe siècle, l'aptitude la plus haute de sa fine et délicate nature, l'instinct général de son temps, presque universel dans son sexe, qui révèle sa profondeur et sa valeur cachée. Car si elle éclate chez beaucoup de femmes, cette connaissance se laisse apercevoir chez presque toutes. Si elle ne s'affirme pas par des lettres, des mémoires, des conférences, elle s'échappe dans la causerie par des paroles, par des mots. Aux femmes d'État, aux femmes d'affaires, les femmes de cour ne le cèdent point en pénétration. Elles aussi, sous l'horaire de futilité, font leur étude de l'homme. Dans cet air subtil de Versailles, leur observation s'exerce tout autour d'elles et ne repose point un instant. Elles creusent tout ce qui est apparence, elles percent tout ce qui est dehors, elles interrogent les gens à leur portée, elles les tâtent, elles les reconnaissent, et elles arrivent à préjuger leurs mouvements, leurs résolutions, leur façon d'agir dans telle ou telle circonstance, à fixer, comme dans un cercle de probabilité presque infaillible, leurs inconstances, même le battement et le jeu de leur cœur. Madame de Tencin laissera de la faiblesse royale de Louis XV un portrait que nul historien n'égalera. Mais qui dira le dernier mot sur la faiblesse humaine de ce roi? Qui le jugera à fond? Qui indiquera avec une vivacité et une précision admirables la physionomie de l'homme et de l'amant. Qui connaîtra Louis XV mieux que Madame de Pompadour elle-même ? La femme que M. du Hausset appelle la meilleure tête du conseil de Madame de Pompadour, la maréchale de Mirepoix, qui, lors des alarmes données à la favorite par Mademoiselle de Romans, rassure ainsi son amie : « Je ne vous dirai pas qu'il vous aime mieux qu'elle. » Et si, par un coup de baguette, elle pouvait être transportée ici, qu'on lui donnât ce soir à souper, et qu'on fût au courant de ses goûts, il y aurait peut-être pour vous de quoi trembler. Mais les princes sont avant tout des gens d'habitude. L'amitié du roi pour vous est la même que pour votre appartement, vos entours. Vous êtes faite à ses manières, à ses histoires. Il ne se gêne pas, ne craint pas de vous ennuyer. Comment voulez-vous qu'il ait le courage de déraciner tout cela en un jour ? Hors de Versailles même, au-dessous de la sphère des affaires et des intrigues, au foyer, dans la famille, dans le ménage, cette perspicacité était encore une arme et une supériorité de la femme. Jeune fille, elle en avait déjà fait l'usage pour juger les parties qu'on lui offrait, découvrir sous le sourire des hommes qui cherchaient à lui plaire les indices d'une humeur violente, de la jalousie, de l'injustice, les menaces d'une tyrannie. Mariée, elle ne gardait pas une illusion sur son mari, elle le voyait à fond, elle le mettait à jour, elle le jugeait froidement, sans passion comme sans pitié. Souvent, elle le connaissait mieux qu'il ne se connaissait lui-même. Et quel portrait elle en faisait d'une parole légère et volante. L'analyse en courant mettait l'homme à nu tout entier. Chaque mot touchait un ridicule, une fibre molle. Chaque mot montrait quelle expérience la femme avait des goûts, des caprices, de la volonté, des complaisances, des chimères de ce mari qu'elle démontait sentiment à sentiment et dépouillait pièce à pièce, ne lui laissant pas même l'amour qu'il croyait avoir pour elle et qu'il n'avait pas. Monsieur de Juilly serait bien étonné, disait Madame de Juilly à sa belle-sœur, si on venait lui apprendre qu'il ne se soucie pas de moi. Ce serait un cruel tour à lui jouer, et à moi aussi, car il serait homme à se déranger tout à fait si on lui faisait perdre cette manie. Toutes ces clairvoyances si fines, appelées par un contemporain des lisières pour conduire les hommes, la femme du XVIIIe siècle les possède donc. Les plis de l'amour-propre, le secret des modesties, le mensonge des grandeurs, les affectations de noblesse, ce que l'homme cache, ce qu'il simule, toutes les manières de légèreté, les moindres nuances des physionomies morales n'ont rien qui échappe à son coup d'œil. Occupée sans cesse à observer, forcée par les besoins de leur domination, par leur place dans la société, par les intérêts de leur sexe, par l'inaction même, à ce travail continu, incessant, presque inconscient, du jugement, de la comparaison, de l'analyse, les femmes de ce temps arrivent à cette sagacité qui leur donne le gouvernement du monde, en leur permettant de frapper juste et droit aux passions, aux intérêts, aux faiblesses de chacun. Tact prodigieux, que les femmes d'alors acquièrent si vite, et dont l'éducation leur coûte si peu, qu'il semble en elles un sens naturel. Et ne dirait-on pas qu'il y a de l'intuition dans l'expérience de tant de jeunes femmes possédant cet admirable don de la femme du XVIIIe siècle, la science sans étude, la science qui faisait que les savantes savaient beaucoup sans érudition, la science qui faisait que les mondaines savaient tout sans avoir rien appris. Les jeunes intelligences devinaient plutôt qu'elles n'apprenaient. A dit d'un mot profond Sénaque de Meillan. Ce génie, cette habitude de perception, de pénétration, cette rapidité et cette sûreté du coup d'œil mettaient au fond de la femme une raison de conduite, un esprit souvent caché par les dehors du XVIIIe siècle, mais qu'il est pourtant facile de discerner par tous les traits qu'il a laissé échapper. Cet esprit était la personnalité et la propriété du jugement appliqué à la vérité des choses, rapporté à la réalité de la vie, l'esprit pratique. Quand on fouille l'intelligence des femmes de ce temps, c'est là ce qu'on trouve, au bout de la légèreté, un terrain ferme, froid et sec, où s'arrêtent tous les préjugés, toutes les illusions, souvent toutes les croyances. Un épais bon sens, c'est l'âme de cette intelligence, une âme que rien n'échauffe, mais qui éclaire tout. Un homme lui demandera-t-il conseil ? Ce bon sens de la femme lui répondra de se faire des amis eux plutôt que des amis, car au moyen des femmes on fait tout ce que l'on veut des hommes, et puis ils sont les uns trop dissipés, les autres trop préoccupés de leurs intérêts personnels, pour ne pas négliger les vôtres, au lieu que les femmes y pensent, ne fût-ce que par oisiveté. Mais de celles que vous croirez pouvoir vous être utiles, gardez-vous d'être autre chose que l'ami. Que de leçons, Quelle finesse, parfois quelle effrayante profondeur et quelles extrémités dans ce positivisme de l'appréciation et de l'observation, dans ce scepticisme imperturbable et qui paraît naturel. Cette sagesse désabusée de Dieu, de la société, de l'homme, de la foi en quoi que ce soit, faite de toutes les défiances et de toutes les désillusions, absolue et nette comme la preuve d'une opération mathématique n'ayant qu'un principe, la reconnaissance du fait, cette sagesse mettra dans la bouche d'une jeune femme « C'est à son amant qu'il ne faut jamais dire qu'on ne croit pas en Dieu, mais à son mari, cela est bien égal, parce qu'avec un amant, il faut se réserver une porte de dégagement. La dévotion, les scrupules coupent court à tout. » Elle fera dire à la femme de Pirou, à laquelle Collé vantait un jour la probité d'un homme, « Quoi ? Un homme qui a de l'esprit comme vous donne-t-il dans le préjugé du tien et du mien ?» Elle donnera enfin à la femme ce mépris complet de l'humanité, cette incrédulité à l'honneur des hommes, qui fit sortir du cœur de Madame Geoffrin le mot trouvé sublime par le comte de Schomberg. Madame Geoffrin avait fait à Rullière des offres très considérables pour qu'il jetât au feu son manuscrit sur la Russie. Rullière s'indignait à la proposition, déployait de l'éloquence, lui démontre avec feu l'indignité et la lâcheté de l'action qu'elle lui demandait. Madame Geoffrin le laissa parler, puis, quand il eut fini, « En voulez-vous davantage ?» Ce fut toute sa réponse. Telle est la valeur morale de la femme au XVIIIe siècle. Étudions maintenant sa valeur intellectuelle, spirituelle, littéraire. Une parole, un livre, des lettres, les goûts de son sexe vont nous la montrer. Le premier trait de cette intelligence de la femme dans la compréhension et le jugement des choses de l'esprit est un sens correspondant à ses facultés morales, le sens critique. Un conseil de femme du XVIIIe à un débutant qui lui avait lu une comédie fera paraître mieux que toute appréciation dans toute son étendue, dans toute sa force, ce sens rare et d'apparence contraire au tempérament de la femme. « À votre âge, lui dit cette femme après la lecture, on peut faire de bons vers, mais non une bonne comédie, car ce n'est pas seulement l'œuvre du talent, c'est aussi le fruit de l'expérience. Vous avez étudié le théâtre, mais heureusement pour vous, vous n'avez pas encore eu le temps d'étudier le monde. On ne fait point de portrait sans modèle. Répondez-vous dans la société. L'homme ordinaire n'y voit que des visages, l'homme de talent y démêle des physionomies. Et ne croyez pas qu'il faille vivre dans le grand monde pour le connaître. Regardez bien autour de vous. Vous y apercevrez les vices et les ridicules de tous les états. À Paris surtout, les sottises et les travers des grands se communiquent bien vite aux rangs inférieurs, et peut-être l'auteur comique a-t-il plus d'avantage à les y observer, par cela même qu'il s'y montre avec moins d'art et des formes moins adoucies. À chaque époque, il y a dans les mœurs un caractère propre et une couleur dominante qu'il faut bien saisir. Savez-vous quel est le trait le plus marquant de nos mœurs actuelles ? Il me semble que c'est la galanterie, dit le débutant. Non, c'est la vanité. Faites-y bien attention, vous verrez qu'elle se mêle à tout, qu'elle gâte tout ce qu'il y a de grand, qu'elle dégrade les passions, qu'elle affaiblit jusqu'au vice. Où trouver du théâtre comique une appréciation plus haute et plus juste? Où trouver un art poétique de la comédie aussi bref? Et lui montrant avec une telle précision sa proie, son but, ses couleurs, ses matériaux, la grande idée sociale qu'elle doit saisir sur le vif, sur le vrai de la nature et de l'humanité contemporaine. Expérience de la société, peinture des portraits d'après les modèles, étude des physionomies démêlées sous les visages, ce que cette femme indique fera dans ce siècle le génie d'écrivain d'une femme. Un chef-d'œuvre sortira en ce temps d'une main féminine. Et ce n'est point l'imagination qui inspirera ce chef-d'œuvre, c'est l'observation qui le dictera, l'observation qui fera parler le cœur même, l'observation psychologique qui descendra jusqu'au fond de la passion et l'interrogera jusqu'au bout. La femme qui écrira ce livre étrange et charmant, Madame d'Épinay, l'écrira séduite et tentée par un roman de Rousseau. Elle-même croira écrire un roman. Et ce sera sa vie qu'elle ouvrira, son temps qu'elle mettra à nu. Elle aura voulu s'approcher de la nouvelle Héloïse, elle atteindra aux confessions. Il y a un homme dans les confessions de Rousseau, il y a une société dans les mémoires de Madame d'Épinay. Le mariage, le ménage, l'amour, l'adultère, les institutions et les scandales établis y passent, y revivent, s'y déroulent et s'y développent. Autour de chaque fait, l'air du temps circule. Les conversations ont un bruit de voix, on entend le tapage de la table de Quinault, On écoute aux portes cette scène de jalousie entre Madame d'Épinay et Madame de Vercelles, scène admirable, supérieure en naturel, en dramatique voilée, à tous les dialogues de notre théâtre. Les figures de femmes qui défilent dans le livre se détachent du papier. Madame Darty, Madame Doudetot, Madame de Juilly, Madame d'Ette sont des personnages qui respirent. Leur souffle passe dans leurs paroles. Duclos effraie et Rousseau ressemble à faire peur. Les petits hommes, les margencies apparaissent, fouillés d'un mot, esquissés jusqu'à l'âme en passant. Confession sans exemple, ou de l'étude du monde qui l'entoure, de son mari, de son amant, de ses amis, de sa famille, la femme qui revient sans cesse à l'étude d'elle-même, à l'aveu de ses faiblesses, creuse son esprit, creuse son cœur, en raconte les battements, en expose les lâchetés. La connaissance de soi-même, la connaissance des autres, n'ont peut-être jamais été si loin sous la plume d'un homme. Elles n'iront pas plus loin sous une plume de femme. Mais le livre n'est en ce temps que la manifestation accidentelle de l'intelligence de la femme. Sa pensée, sa force et sa pénétration d'esprit, sa finesse d'observation, sa vivacité d'idées et de compréhension éclatent à tout instant sous une forme tout autre, dans le jet instantané de la parole. La femme du XVIIIe siècle se témoigne avant tout par la conversation. Cette science qui se dérobe à toutes les analyses, dont les principes échappent à tous ceux qui l'étudient en ce siècle, à Swift comme à Moncrief comme à Morlaix, ce talent indéfinissable, sans principe, naturel comme la grâce, ce génie social de la France, l'art de la conversation est le génie propre des femmes de ce temps. Elles y font entrer tout leur esprit, tout leur charme, ce désir de plaire qui donne l'âme au savoir-vivre et à la politesse, ce jugement prompt et délicat qui embrasse d'un seul coup d'œil toutes les convenances par rapport au rang, à l'âge, aux opinions, au degré d'amour-propre de chacun. Elles en écartent le pédantisme et la dispute, la personnalité et le despotisme. Elles en font le plaisir exquis que tous se donnent et que tous reçoivent. Elles y mettent la liberté, l'enjouement, la légèreté, le mouvement, des idées courantes et volant de main en main. Elle lui donne ce ton de perfection inimitable, sans pesanteur et sans frivolité, savant sans pédanterie, gai sans tumulte, poli sans affectation, galant sans fadeur, badin sans équivoque. Les maximes et les saillies, les caresses et la flatterie, les traits de l'ironie se mêlent et se succèdent dans cette causerie qui semble mettre tour à tour sur les lèvres de la femme l'esprit ou la raison. Point de dissertation, les mots partent, les questions se pressent, et tout ce qu'on effleure est jugé. La conversation glisse, monte, descend, court et revient. La rapidité lui donne le trait, la précision l'amène à l'élégance. Et quelle aisance de la femme, quelle facilité de parole, quelle abondance d'aperçus, quel feu, quelle verve, pour faire passer cette causerie coulante et rapide sur toute chose, la ramener de Versailles à Paris, de la plaisanterie du jour à l'événement du moment, du ridicule d'un ministre au succès d'une pièce, d'une nouvelle de mariage à l'annonce d'un livre, d'une silhouette de courtisan au portrait d'un homme célèbre, de la société au gouvernement. Car tout est du ressort et de la compétence de cette conversation de la femme. Qu'un propos grave, qu'une question sérieuse se fasse jour, l'étourderie délicieuse fait place chez elle à la profondeur du sens. Elle étonne parce qu'elle montre soudainement de connaissances et de réflexions imprévues, et elle arrache à un philosophe cet aveu. Un point de morale ne serait pas mieux discuté dans la société de philosophes que dans celle d'une jolie femme de Paris. Où retrouver pourtant cette conversation de la femme du XVIIIe siècle, cette parole morte avec sa voix? Dans un écho, dans cette confidence de l'esprit d'un temps, à l'oreille de l'histoire, la lettre. L'accent de la conversation de la femme du XVIIIe siècle se trouve là, endormi mais vivant. Cette relique de sa grâce, la lettre, est sa causerie même. Elle en garde le tour et le bavardage, l'étourdissement et l'heureuse folie. Sous la main de la femme qui se hâte, qui brusque l'écriture et l'orthographe des mots, la vie du temps semble pétiller. Quand elle l'attrape et la raconte au passage, l'esprit déborde sa plume comme la mousse d'un vin de souper. C'est un style à la diable, qui va, qui vient, qui se perd, qui se retrouve, une parole qui n'écoute rien et qui répond à tout, une improvisation sans dessin, pleine de bruit, de couleurs, de caprices, brouillant les mots, les idées, les portraits. et laissant du mouvement de ce monde mille images pareilles aux morceaux d'un miroir brisé. N'en donnons qu'un morceau, un fragment, le commencement de cette lettre de femme datée des eaux à la mode de Forges. Ah, bon Dieu, que vous avez bien raison, ma chère marmotte, quel chien de train, et quelle chienne de vie, et surtout quelle chienne de gens. Rien n'est comparable aux personnes, vraiment les noms n'en approchent pas. Les visages et les styles sont bien autre chose, c'est un ennui, un cavagnole, des compliments, des bêtises, des gaietés, et surtout des agréments à souffleter, des mérites fort propres aux galères, et des dévotions faites comme de cire pour l'enfer. Mais une madame de Lanzy, pleine de grâce, qui n'est pourtant rien, auprès de madame de Lagrange, qui avant-hier n'avait que 71 ans, une grande fille et un lait répandu de sa dernière couche il y a 4 ans, mais qui depuis hier y a ajouté un goître de demi-aune qui lui est survenu dans la nuit. La pauvre femme couchée, étique, s'est réveillée ni plus ni moins qu'un roi de Sardaigne très étoffé. Voilà, de ces coups de la fortune que ces eaux ici procurent plus souvent à des mousquetaires qu'à des accouchés septuagénaires. Mais que faire? Il faut bien que la pauvre femme, après avoir sans doute reçu la rosée du ciel, accepte la graisse de la terre avec résignation. Toute la verve folle, le bavardage pétillant, l'esprit étourdissant, ne sont point le plus grand signe des lettres de femmes du XVIIIe siècle. Les correspondances montrent, encore plus que les conversations, un caractère de sérieux et de profondeur chez la femme. Le fond le plus ordinaire du genre épistolaire n'est plus, comme au siècle précédent, le tableau, l'image, la peinture. La lettre se remplit de réflexions, de pensées. L'analyse, le jugement, l'idée y entrent et s'y font la place la plus large. Le bruit mondain y passe. Les chansons, les anecdotes y ont leur écho, mais dans un coin, dans un retour de page, et comme en post-scriptum. Ceux qui parlent plus haut, ce sont des théories morales. La lettre a, comme celle qu'il écrit, ce que madame de Créqui appelait des moments de solidité. Qu'ont Fayette ces feuilles légères et frémissantes échappées à la main des femmes les plus mondaines et les plus dissipées d'apparence? La pensée de la femme y soulève les questions les plus grandes et les plus délicates. Elle y interroge à tout moment l'âme humaine dans son âme. Elle s'élève à des réflexions sur le bonheur. Elle définit, elle indique les goûts et les passions qui peuvent y mener. Elle apprécie et pèse les préjugés sociaux. À propos d'un livre nouveau, dont elle montre d'un mot la pauvreté pomponnée, à propos d'une gloire vivante dont elle discerne les manigances, elle laisse tomber des réflexions sur le bien et le mal moral, sur la morale humaine, sur l'origine et la légitimité des passions. Le portrait d'un charlatan de vertu l'amène à tracer sur le papier l'idéal de la vertu. Société, gouvernement, mœurs, lois, ordre public, tout le programme de la conversation de madame de Boufflers défile dans ses épîtres sans que la femme qui tient la plume paraisse y songer. Ce sont des thèmes qu'elle rencontre naturellement à travers Chou, et dont elle descend plus naturellement encore pour en venir à un petit singe qui lui a fait caca dans la main. Rien de trop ardu, rien de trop viril pour cette philosophie épistolaire de la femme. Elle s'entretient avec sa raison personnelle, son instinct naturel, de la peur du néant, de la crainte de la mort, qu'elle appelle avec Jung la propriétaire du genre humain. En se jouant, en riant, elle enfile, comme elle dit, la plus profonde métaphysique, une métaphysique à 4 deniers. Elle soulève les problèmes psychologiques, elle estime les théories, les systèmes, elle les réduit en principes courts et substantiels. Après Grotius, Pufendorf, Barbeyrac, elle parle du droit naturel en quelques lignes. Après Fénelon, elle refait l'éducation des filles en quelques pages. Un moi qui réfléchit, qui juge, qui compare, qui se rend compte de lectures faites, selon le mot d'une femme, moralistement. Un moi qui n'accepte rien de l'opinion des autres, et qui raisonne sur ses sensations, sur ses doutes, sur sa religion même, sur tout ce qu'il sait, sur tout ce qu'il sent, sur tout ce qu'il croit. Voilà ce qu'on est étonné de trouver dans ces lettres de femmes du XVIIIe siècle, où tant de finesse se joint à tant de perspicacité, tant de hauteur à tant de délicatesse, tant de force d'esprit à si peu de discipline morale. La pensée y règne, elle y maîtrise l'imagination, elle y laisse à peine parler le cœur, elle y fait taire la sensation sous la formule, le sentiment sous la définition, la passion sous l'axiome. Et à force d'aiguiser cet esprit de dissertation philosophique et de personnalité critique, à peine si la réflexion et la pensée laissent à la fin du siècle la tendresse et le cri de l'âme aux lettres de la femme. De l'intelligence spirituelle de la femme du XVIIIe siècle, il reste encore cette preuve, son amour des lettres. Les femmes de ce temps vivent avec les lettres dans une communion familière, dans une intimité journalière. On perçoit chez toutes un fondement, une éducation, un coin de littérature. Au milieu de cette société si occupée des choses de la pensée et de l'esprit, dans ses hôtels, dans ses châteaux, qui tous ont leur bibliothèque, la femme se fortifie par la lecture, dont elle a puisé le goût dans l'ennui du couvent. Elle vit dans l'air des livres, elle se soutient par eux, et à tout instant, ses correspondances accusent les sérieuses distractions qu'elle leur demande, toute la nourriture qu'elle tire des volumes les plus graves, des œuvres de philosophie, des récits d'histoire, au sortir du label du jour et de la nouveauté courante. De là, une culture littéraire que développent encore les modes des salons, le passe-temps des traductions, les amusements d'usage, de certaines épreuves d'esprit exigées de la femme, et qui lui mettent si souvent dans ce temps la plume à la main. C'est la rime d'une chanson, l'imagination d'un conte, la définition de deux synonymes, la composition d'un proverbe, toutes sortes de petits jeux qui excitent sa facilité, aiguisent son invention, l'habituent, l'exercent sans fatigue au métier d'écrivain. À côté de toutes les femmes auteurs par état, touchant à tous les genres, depuis le poème épique jusqu'au théâtre forain, la liste ne finirait pas des femmes de la société, auteurs sans prétention, par occasion, par entraînement, presque par mégarde. Il est un moment où, dans le monde de Madame d'Épinay, chacun ébauche son roman, et qu'elle est celle qui n'a pas cédé à cette mode si répandue des portraits, faisant peindre à toute femme sa société, ses amis, les femmes de sa connaissance, avec des touches de style à la Carmontel. Touchant ainsi à la littérature par tous ses goûts, s'en approchant de toute façon, la femme du XVIIIe siècle est la patronne des lettres. Par l'attention qu'elle leur donne, par la curiosité qu'elle en a, par l'amusement qu'elle y cherche, par la protection qu'elle leur accorde, elle les attache à sa personne, elle les attire vers son sexe, elle les dirige et les gouverne. Et tout ce que le XVIIIe siècle écrit ne semble-t-il pas en effet écrit à ses genoux, comme ce poème des jardins, crayonné sur les patrons de broderie d'une femme, sur le papier enveloppant son ouvrage de tapisserie. La femme est la muse et le conseil de l'écrivain, la femme est le juge, le public souverain des lettres. Les théories philosophiques, souvent inspirées par elle, doivent lui plaire, elles doivent l'aborder avec un sourire. Si elles veulent avoir la vogue et le retentissement, les questions de science s'enjoliveront à la fontenelle, pour être entre ses mains comme le joujou des secrets du ciel et du globe. L'économie politique elle-même prendra l'esprit de Morlaix et la verve de Galliani pour être accueillie par l'esprit de la femme. La pensée n'aura pas une manifestation, l'intelligence ne revêtra pas une forme, l'esprit n'imaginera pas un ton, l'ennui même ne prendra pas un déguisement qui ne soit un hommage à cette maîtresse toute-puissante, réglant le prix des œuvres et l'estime des auteurs. Voyez-la régner au théâtre. Son caprice est le destin des premières représentations. Elle décide de la victoire ou de la défaite des vanités d'auteur. Elle commande, mieux que la Morlière, à toute une salle. Son applaudissement sauve la tragédie qui chute. Un de ses bâillements tue la comédie qui réussit. C'est elle qui fait jouer les pièces, les fait sortir du portefeuille de l'homme de lettres, les retouche, les annote, les impose au comité, au ministre, au roi même. C'est elle qui fait monter sur la scène les philosophes et Figaro. Sans son patronage, sans la recommandation de son engouement, on n'est ni joué, ni applaudi, ni même lu. Tout genre de littérature, toute espèce d'écrivain, toute brochure, tout volume et le chef-d'œuvre même a besoin qu'elle lui signe son passeport, qu'elle lui ouvre la publicité. Le livre qu'elle adopte est vendu. Elle en place elle-même les exemplaires en quelques jours, qu'ils soient de Rousseau ou de la Blatterie. L'homme qu'elle pousse est arrivé, il est célèbre, célèbre comme l'harpe, célèbre comme Marmontel. Pension, privilèges de journaux, part de mercure, tout ce que le ministère laisse tomber d'argent et de grâce sur les lettres est emporté par elle et ne va qu'à ses clients. La fortune des sueurs est son ouvrage. Elle est le succès, elle est la faveur. Et quel peuple d'obligés elle a sous elle. C'est Robé, protégé par la duchesse d'Olonne. C'est Roucher, protégé par la comtesse de Bussy. c'est Rousseau, protégé par la maréchale de Luxembourg, c'est Voltaire, protégé par Madame de Richelieu, qui exige du garde des Sceaux la promesse de ne rien faire contre Voltaire sans la prévenir. C'est l'abbé Barthélemy, protégé par Madame de Choiseul. C'est Collardeau, protégé par Madame de la Vieuville. C'est Darnaud, protégé par Madame de Tessé. C'est Voisenon, protégé par la comtesse Turpin. C'est Monsieur Guibert, protégé par Mademoiselle de Lespinasse. C'est Dora, protégé par Madame de Beauharnais. C'est Florian, protégé par Madame de Chartres et par Madame de Lamballe. Ce sont tant d'autres que la femme défend, prône, soutient, rente de sa bourse, pousse à l'académie. Car l'académie en ce temps ne résiste pas plus à la femme que le public et l'opinion. Pendant tout le siècle, n'est-ce point la femme qui dresse ses listes de candidats? Elle la remplit de ses amis, elle l'ouvre et la ferme, elle en a la clé, elle en possède les voix. Et il y a des fauteuils qui semblent lui être affermés, et où elle met un homme pour y mettre son nom. Elle accorde ou retire l'immortalité aux vivants. Elle donne la gloire présente. Elle punit par une sorte d'impopularité la célébrité même du talent qui ne lui agrée pas. Thomas, qui n'a pas pour lui le parti des femmes, reste obscur, avec une réputation. Et pourquoi encore aujourd'hui le nom de Diderot est-il placé si au-dessous du nom de Voltaire et du nom de Rousseau? C'est qu'il n'a pas été lancé dans le grand courant des gloires reconnues, acclamé par la femme du XVIIIe siècle, consacrée et comme bénie par son enthousiasme. Et la femme du XVIIIe siècle ne représente pas seulement la faveur et la fortune des lettres. Elle personnifie encore la mode et le succès des arts. C'est grâce d'un temps, les arts relèvent d'elle. Elle leur donne l'accord et le ton, elle les encourage et leur sourit. Elle fait leur idéal avec son goût, leur vogue avec son approbation. Et de Watteau à Greuze, pas un grand nom ne s'élève, pas un talent, pas un génie n'est reconnu, s'il n'a eu le mérite de plaire à la femme, s'il n'a caressé, touché, flatté son regard et courtisé son sexe. La femme aime l'art, elle l'apprécie, elle le pratique comme les lettres, en se jouant, par passe-temps et par instinct naturel. C'est le siècle de ces agréables talents d'amateurs qui mettent le crayon, la pointe même, aux mains des jolies femmes. C'est le temps des dessins improvisés sur une table de salon, de ces eaux fortes, piquantes et naïves, égratignées, semble-t-il, sur le cuivre avec une épingle détachée d'un ruban. Madame Doublet trace le profil de son ami Falconet. La marquise de Lafare fait le portrait de la harpe. Et le dessin fini n'est pas toujours abandonné à la gravure de Caylus ou de Mariette. Sur une planche vernie par quelques peintres habitués de la maison, la femme découvre le cuivre. Elle tente une eau forte qu'elle se plaît à distribuer aux personnes de sa société intime. Et au-dessous de Madame de Pompadour, qui laisse une œuvre que de femmes, depuis la duchesse jusqu'à la petite bourgeoise, signe d'un nom fameux ou d'un nom inconnu une petite planche. Joie du collectionneur qui la trouve sur les quais en feuilletant quelques vieux cartons où elle dort. De cette protection des écrivains, de cette présidence des lettres, de ce gouvernement des hommes et des œuvres de l'esprit, qui en atteignant les hommes et les œuvres de l'art ne laisse aucune des manifestations du temps en dehors de la domination de la femme tire comme un pouvoir répandu dans l'air et qui plane au-dessus du siècle. La femme, en effet, n'est point seulement, depuis 1700 jusqu'en 1789, le ressort magnifique qui met tout en mouvement. Elle semble une puissance d'ordre supérieur, la reine des pensées de la France. Elle est l'idée placée au haut de la société, vers laquelle les yeux sont levés, vers laquelle les âmes sont tendues. Elle est la figure devant laquelle on s'agenouille, la forme qu'on adore. Tout ce qu'une religion attire à elle d'illusions, de prières, d'aspirations, d'élancements, de soumissions, de croyances, se tourne insensiblement vers la femme. La femme fait ce que fait la foi. Elle remplit les esprits et les cœurs, et elle est, pendant que règnent Louis XV et Voltaire, ce qui met du ciel dans un siècle sans Dieu. Tout s'empresse à son culte, tous travaillent à son ascension. L'idolâtrie la soulève de terre par toutes ses mains. Pas un écrivain qui ne la chante, pas une plume qui ne lui donne une aile. Elle a jusque dans les villes de province des poètes voués à son culte, des poètes qui lui appartiennent. Et de l'encens que jettent sous ses pieds les Dora et les gentils Bernard, se forme ce nuage d'apothéose, traversé de vols de colombes et de chutes de fleurs qui est son trône et son autel. La prose, les vers, les pinceaux, les ciseaux et les lyres donnent à son enchantement comme une divinité, et la femme arrive à être, pour le XVIIIe siècle, non seulement le dieu du bonheur, du plaisir, de l'amour, mais l'être poétique, l'être sacré par excellence, le but de toute élévation morale, l'idéal humain incarné dans un sexe de l'humanité.